Le fait de cette lecture me mettait mal à l'aise. Mes sentiments étaient partagés entre l'enthousiasme lié à ses œuvres de bon goût et le dégoût de le faire pour le lycée. La grande machine à broyer et dératurer les connaissances pour les redistribuer avec parcimonie à tous les manants scolaires qui tous partageaient entre ces deux envies, les apprendre pour avoir de bonnes notes ou les laisser leur passer par-dessus la tête pour vivre pleinement leur vie. Pas moins faux que le savoir universel, semblant de vie, restèrent là, béants, trous sans fond où finalement ni vie ni connaissance ne s'engouffreraient jamais. La machine marchait bien et laissait se mouvoir les quelques 2000 élèves dans un béassement éternel et répétitif. Dommage de ne pouvoir apprécier les quelques nouvelles au petit cynisme fringant rempli d'anecdotes drôlatiques, au doux parfum d'ironie.